Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Auditrices et auditeurs, bonjour, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. C'est le 34e épisode et aujourd'hui un programme très chargé puisque nous allons parler du Parasite de Bong Joon-ho, on parlera aussi de Ad Astra, le film de James Gray, et on finira avec 3 jours et une vie, le film de Nicolas Boukrieff. Je signale tout de suite que nous sommes repris par nos partenaires Radio Rectangle. Merci à eux. Et puis, je signale aussi qu'aujourd'hui, on ne va pas spoiler sur le film de Bong Joon-ho, Parasite. En tout cas, autant que faire se peut, n'est-ce pas, mes amis ? Mais par contre, dans quelques jours, nous allons enregistrer une spéciale sur le film La Servante de Kim Ki-young, le film de 1960 qui a beaucoup marqué le cinéma sud-coréen et qui a inspiré énormément aussi le film de Bong Joon-ho. On fera une spéciale sur La Servante où on comparera, enfin j'imagine qu'on va beaucoup citer Parasite, et qui sera là par contre full spoilers. Donc là, ce sera dans quelques jours. Suivez-nous sur Facebook et sur notre site internet Transmission, le podcast. Je suis encore une fois très bien entouré, puisque tout le monde est là, l'équipe de transmission est au complet. Monsieur Julien Rombaud, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, merci de te soucier de moi, puisqu'en général vous n'en avez rien à foutre. C'est ça. C'est toi qui vas commencer sur le film de Bong Joon-ho, Parasite, donc je me demandais, puisque le film dit quand même en substance qu'on est tous le parasite de quelqu'un d'autre, mais de toi donc, de qui es-tu le parasite, mon cher Julien ? Bonne question, Olivier. Je dirais que j'ai forcément été le parasite de mes parents pendant longtemps. Et j'espère que je ne le suis plus, même si je ramène de temps en temps mon linge à laver encore une fois. D'accord. Quoi, tout n'est que question de filiation et de transmission. Et d'hygiène aussi. Vous venez d'entendre M. Lucien Alflans qui nous parle de filiation et de transmission, puisqu'il va ouvrir sur Ad Astra de James Gray. Lucien, comment vas-tu ? Ça va, et vous, les gars ? Ça va bien, merci. Dis, je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques jours, il y a eu une interview dans Libération de James Gray et ce monsieur n'a pas l'air de se porter très très bien. Donc j'aurais voulu savoir, comme tu vas ouvrir sur le Ad Astra et on sait que tu es un grand fan de James Gray, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Bon, je n'ai pas lu l'interview, mais après si on se réfère à ses films, dès le premier, Little Odyssey, il n'avait pas déjà l'air d'aller fort bien. Je ne sais pas, je l'emmènerai voir boire une merveilleuse à la Taverne Saint-Paul. Spéciale dédicace à tous les liégeois. Monsieur Manuela, c'est là également. Manu, comment vas-tu ? Très bien, Olivier, et toi ? Ça va, merci. C'est toi qui vas ouvrir sur le film de Nicolas Boukrieff, 3 jours et une vie. Et en fait, le film se passe à Noël et c'est pas des très chouettes Noël d'une manière générale, en tout cas pour le personnage principal. Donc j'aurais voulu savoir, toi, quel était ton pire Noël ? Si je devais prendre un pire Noël, ça serait la fois où, tout heureux, en découvrant le programme télé de la semaine de Noël, j'ai vu apparaître le nom de George Miller sur un film inédit et de me rendre compte de la déconvenue face à un de ses homonymes réalisant des pauvres petits DTV guère réjouissants. Très bien, merci messieurs pour cette belle introduction et on va commencer sans plus attendre sur le Parasite de Bong Joon-ho. So, what's the catch? Is it okay with you? Dasung이도 완전 예술가 체질인데. 그래서 그런 건지 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나 휙 하고 떠올랐는데. Enfin sorti dans les salles belges, Parasite, c'est donc le 7e long-métrage de Bong Joon-ho, après notamment Memories of Murder, The Host ou Le Transpersonnage. C'est aussi le film de la consécration, puisqu'il a non seulement obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes en mai dernier, mais il fait en plus un carton en salle à peu près partout où il sort, accumulant plus d'1,6 million de spectateurs en France aux dernières nouvelles, Après deux coproductions internationales, le surdoué auteur-réalisateur est donc revenu dans sa Corée du Sud natale pour tourner ce nouveau long-métrage qui compte l'histoire de la famille Kim, qui vit misérablement dans un entresol. Un jour, un ami de leur fils adolescent part à l'étranger et suggère à son pote de reprendre son job, soit professeur d'anglais particulier pour la jeune fille de la richissime famille Park. Un à un, les quatre membres de la famille Kim, les pauvres, vont se faire engager par la famille Park, les riches, et s'immiscer dans leur sublime demeure d'architecte bâtie sur les hauts de la ville. Le film est interprété par certains fidèles du cinéaste, notamment Song Kang-ho, qu'on a vu dans Memories of Murder ou The Host, ou Choi Woo-sik, qui était dans Okja, mais aussi des nouveaux venus comme Park So-dam, Jin Chang-ye, Lee Sung-kyun ou Cho Yeo-jung. Alors, Julien, qu'as-tu pensé du film de Bong Joon-ho ? Eh ben, j'ai pensé, quel film, nom de Dieu, j'ai pris une claque. J'ai adoré la façon dont le cinéaste joue avec les névroses du pays, des Coréens, des paradoxes, la réalité sociale du pays. Je pense à la comédie italienne, par exemple, avec des personnages très marqués, des pauvres un peu affamés, vampiriques, les riches qui sont dévitalisés, un peu distants, froids, etc. Et ensuite, c'est comment la comédie sociale devient carrément un vrai pamphlet politique, pratiquement, avec la place des pauvres dans notre société, les écarts entre les classes sociales, est-ce qu'ils sont irrémédiables, etc. J'ai l'impression qu'ils posent vraiment la question. Et puis je ressens dans le film la honte, l'échec d'être pauvre. Et voilà, comment par l'absurde, il montre un peu toute la place, la monstruosité que c'est d'être pauvre. Et avec une virtuosité du film qui est toujours au service du cinéma, des enjeux, c'est toujours traduit en mouvement, la façon dont il filme, et jamais en discours, en mots, comme c'est parfois le cas dans le cinéma français, etc. Donc voilà, j'ai été cueilli, je ne vais pas en dire trop pour l'instant, je laisse rebondir. Ben, il faut dire que c'est quand même assez difficile de parler du film sans spoiler, mais on va faire oui. Le nécessaire. Lucien ? Quel plaisir de retrouver Bong Joon-ho sur son terrain de jeu, dans sa langue, là où il avait laissé pour moi ses derniers chefs-d'œuvre, même si j'aime Okja et j'aime beaucoup Snowpiercer. Je trouve que jamais il n'atteint un tel niveau que quand il tourne en Corée. Je pense particulièrement à Memories of Murder, The Host, j'aime beaucoup Mother aussi et celui-ci. D'ailleurs, on pourra peut-être rebondir dessus après, mais il me semble qu'il y a pas mal de parallèles à faire entre ce film-ci et The Host. Mais aussi avec Burning de Lee Chang-dong, dont même si formellement les films ne sont pas tout à fait construits de la même manière, en tout cas ils prouvent à eux deux la suprématie du cinéma sud-coréen actuel. En plus, les deux films partagent carrément le même thème. Et le même chef-op, même traitement thématique très proche, avec aussi sans en dire trop, mais une rébellion prolétaire assez brillante dans les deux cas, et puis aussi une variation, enfin une réflexion sur le rapport qu'il y a entre les deux Corées, sur le capitalisme, sur l'anglification de la société sud-coréenne. Tu parles d'éléments qui sont très spécifiques à la culture coréenne, et moi justement ce qui m'a assez surpris dans le film, c'est contrairement à beaucoup de films coréens, le film a joué d'un effet de grande proximité avec moi en tant que spectateur. Sans dévoiler, ça pourrait être le pitch d'un film avec Josiane Balasko ou Christian Clavier, à la différence que ça tient plus de la règle du jeu de genre noir que ce type de cinéma-là. Ou comme disait Julien, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça pourrait être tout à fait un postulat de comédie italienne des années 60. Quand il reçoit son prix en France, il cite Clouseau, il cite Chabrol, encore une fois. Donc. Oui, après, bon, ça, on peut questionner le discours d'un cinéaste et le film tel qu'il est. Mais c'est, en tout cas, j'avais jamais eu, face à un film coréen, cet effet de proximité aussi fort, ce qui fait que presque dans la première partie, je ne sais pas trop vers quoi va se diriger Bong Joon-ho, ou est-ce que ça va juste rester à ce stade-là de personnage un peu truculent, de pauvre, parce que plus que réellement de la condition sociale des pauvres, c'est plus le système qui met en accusation. Chaque personnage a une dualité en lui plus ou moins grande, mais elle existe. Contrairement justement à la comédie française, il n'y a pas de personnage repoussoir. Et ça, la grande force du film, et la manière dont justement, sans justement dévoiler le film, mais le film opère souvent par bascule, rupture de temps, un style qu'on connaît chez Bong Joon-ho, mais qui est d'une fluidité hallucinante, qui est menée avec une maestria d'idées de mise en scène. Il y a notamment quelque chose qui est assez intangible au cinéma, qui est une question liée à l'odeur, et la manière dont il va déployer cette idée de l'odeur et qu'au final, ce qui est peut-être le plus grave, c'est pas celui qui profite de quelque chose, mais c'est celui à un moment qui se bouche le nez face à la situation. Et comment à un moment il fait éclater cette idée-là dans le final du film, cette idée d'odeur, c'est juste. C'est magnifique en termes d'écriture, de construction, de mise en scène. C'est d'une limpidité. C'est tellement d'une évidence. Il y a aussi une élégance dans ce film-là, je trouve, qui est. On pourra en parler peut-être vis-à-vis des autres films du programme, mais il y a une élégance du désespoir dans ce film-là, parce que je pense que c'est un film qui est constamment, pour les spectateurs, jouissif. Il y a un plaisir ludique constant, et pourtant, c'est un des films les plus noirs et je pense les plus désespérés que fait Bong Joon-ho sur la société. Ce n'est pas la société coréenne, c'est la société en général. Je pense que le succès du film est lié aussi qu'il est totalement universel dans son propos. Là, je te rejoins complètement, Manu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bong Joon-ho, dans ce film-là, il atteint une sorte de perfection, d'évidence du geste. En fait, c'est un film d'une fluidité incroyable. C'est un film, contrairement à d'autres films de ce soir, qui sent jamais le labeur. C'est un truc de dingue parce que tous les personnages existent, tous les personnages ont une dualité, comme tu l'as dit, et ça sent jamais le labeur, ça sent jamais le trop écrit. C'est une perfection du geste, je trouve. Après, il y a un truc que Bong Joon-ho, notamment dans The Host ou dans Memories of Murder, ces deux premiers films surtout, il était connu justement pour ça, c'était les ruptures de ton. Mais je trouvais qu'avant, c'était au sein d'une même scène, tu vas avoir de la comédie et de la tragédie au sein de la même scène. Ici, je trouve que le film, il va plus par mouvement, en fait. Je trouve qu'au début, on est vraiment dans une espèce de comédie machination, puis après, on arrive dans un truc hitchcockien. Et puis, presque par acte. Ouais, voilà, je dirais par acte ou par mouvement. Je trouve qu'il est plus. Il fonctionne plus par mouvement. Ça peut arriver quand même dans une même scène aussi. Oui, il y a aussi, des moments où tu switches de la comédie à l'horreur en deux plans. Hein, mais... La scène où ils sont. Où toute la famille. Toute la famille Kim est dans le salon et où quelqu'un va arriver de dehors, c'est quand même une grosse rupture de ton. Je suis d'accord avec ça, mais je trouve quand même que. Enfin, il y a une. En tout cas, il y a un feeling général qui évolue dans le film. Et. Je trouve que le dernier mouvement du film, on va dire après l'orage, après tout ce qui se passe avec l'orage, je trouve que la manière dont d'un coup on va avoir la violence de l'oppression de la famille riche sur la famille pauvre, ça, c'est hyper violent. Je trouve que c'est super bien orchestré. Alors que je trouve qu'ils sont quand même montrés quand même comme un peu des victimes jusqu'à une certaine partie du film. Et la manière dont ça se retourne, je trouve que c'est super bien orchestré. Mais justement, parce que ça ne paraît pas caricatural tout d'un coup, le comportement qui est plus appuyé à ce moment-là dans le dernier tiers du film où il passe beaucoup plus pour les salauds qu'ils ne sont dans la première partie du film. Mais c'est juste en te disant, regardez, je vous l'ai démontré sous cet angle-là, mais ils existent aussi sous cet angle-là. Et ça paraît pas incohérent vis-à-vis des personnages. C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Julien au début en parlant de la monstruosité des pauvres, entre guillemets. C'est que la monstruosité dans ce film-là, elle est partout, comme c'était déjà un peu le cas dans The Host. Bien sûr, alors je me suis mal exprimé, pardon. Je parle pas de la monstruosité des pauvres, de leur caractère, je parle de la monstruosité... le regard qu'on porte sur eux. Ok. Et tu disais très justement que le film est universel. Oui, moi je le trouve. Voilà. J'ai parlé avec quelqu'un, il me disait ouais, c'est pas très subtil. Oui, en effet, on peut dire ça comme ça, mais en fait, c'est parce que c'est une espèce de démonstration qui tient plus du conte ou de la fable, de la farce même. Et souvent, dans la farce, il y a un côté méchant, et je trouve qu'il y a ça. Dernière chose que je voulais dire, c'est que non seulement il y a ce dernier mouvement qui est très grave et très dur, mais il y a deux moments qui sont purement de jouissance de spectateur en termes de générosité. Le film, qu'est-ce qu'il te donne? Mais la manière dont ils vont se débarrasser de la servante, c'est monté d'une manière... c'est jouissif, on prend un plaisir dingue en voyant ce film. C'est toujours spectaculaire et c'est souvent très drôle, même dans les moments dont on se débarrasse des gens, c'est toujours très drôle. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, entre guillemets, c'est comment ils se laissent emprisonner dans les tentations du capitalisme. Alors je m'explique, c'est des grands mots, mais la maison qui devient vraiment un enfermement. Et alors ce qui me fait rire, c'est comment les Kim, ils sont piégés par Internet, enfin, c'est-à-dire par la technologie, par le fait d'être enregistré dans une séquence, etc. Et comment la famille riche, elle va être piégée quelque part en invitant un cours d'anglais. Donc finalement, je me dis, les uns sont piégés par la technologie, les autres sont piégés par le fait d'américaniser leur vie. Et je trouve ça assez drôle comment le fait de vouloir ouvrir à d'autres cultures se referme contre eux. Mais oui, tu résumes bien le truc. On parlait d'universalité du propos, mais c'est aussi parce qu'il arrive à être limpide dans sa complexité en vulgarisant son propos principalement à travers la mise en scène. Ça, c'est absolument brillant. C'est peut-être aussi ce côté vulgarisant que certains vont trouver lourd, trop appuyé, comme tu le disais tout à l'heure. Il est peut-être appuyé sur certains effets, etc. Mais dans son propos, dans le détail, justement, typiquement l'idée dont je parlais tout à l'heure, l'idée de l'odeur, la manière dans ce qu'elle dit du propos du film, elle est bien plus subtile que ça, quoi. Justement, elle te demande de prendre du recul par rapport au film, même si elle t'apparaît complètement cohérente. Oui, puis toi, Lucien, c'est vulgarisation positive. Ah en oui, fait. Je dis ça tout à fait de manière positive. Et c'est vulgarisation, c'est ça qui est dingue, comme le dit Manu, comme je viens de le dire, c'est que c'est vraiment uniquement, enfin très très largement à travers sa mise en scène et dans sa manière, la manière qu'il va avoir de faire briller tous les détails dont parlait Manu il y a encore deux secondes, comme chez Hitchcock, où le moindre objet qui traîne, la moindre facétie de mise en scène ou la moindre maladresse des personnages a une utilité dramaturgique forte. C'est aussi parce que le film se passe quasi intégralement dans deux habitations et qu'à un moment, pour être vivace visuellement, il faut un peu remplir le plan de choses qui vont construire le film. Mais ça, tu le sens jamais, hein. Toujours avec une aisance incroyable. Absolument, on est ici pour un peu disséquer le bazar. Alors il y a une symétrie qui est complètement hallucinante, qui pourrait rendre jaloux Fincher ou Kubrick. Une symétrie qui est ici très souvent verticale et qui est brillante, mais vraiment c'est une démonstration de force à ce niveau-là. Elle donne à elle seule un angle de lecture au film. Rien que là-dessus, on peut comprendre le film. Il en dit très long sur la manière dont il va placer ses acteurs dans l'espace et du coup sur les rapports de classe en fonction de leur positionnement, principalement autour d'un escalier, mais même au niveau des étages de la maison, sans trop spoiler. Et d'ailleurs, quand à un moment il y a une fuite, à un moment autour d'un orage, et on va avoir des plans d'escalier qui vont se succéder les uns après les autres, et après il y a aussi toute cette métaphore avec l'eau qui fait que ce qu'on rejette tout en bas va quand même finir par vous éclater à la gueule. C'est génial. Et avec un raccord de plan génial qui lie l'habitation du haut et l'habitation du bas à un seul plan autour des toilettes, avec un personnage qui vomit dans les chiottes et les chiottes qui débordent de l'autre côté, avec une idée qui résume aussi le film sur ça, quoi. Je trouve que le plan de la jeune fille de la famille qui fume sa clope sur le chiotte en train d'éructer, je crois que c'est un des plus beaux plans de l'année. Et oui, et puis vous parliez de la première habitation, la manière dont elle est montrée dans le premier plan, la folie de ce premier plan, qui est vraiment comment filmer la précarité en un plan, comment présenter tous ces personnages en un plan. Ben voilà, c'est le premier plan du film, c'est brillant. Tout est posé, on a compris qu'on allait devant quelque chose de brillant. Je veux pas non plus spoiler, mais ce qui me semble vraiment intéressant, c'est cette manière presque littérale et en même temps poétique, limpide, de sortir les cadavres du placard. Et c'est pour ça que je parlais des névroses de la Corée, etc. Et quand je dis la place du pauvre, celle qu'on ne veut pas voir, celle qu'on ne peut pas voir, c'est comment lui, il est déterre et il en joue avec. C'est une grosse interrogation, je pense, des Coréens, de Bong Joon-ho, tu parlais de The Host justement, mais le rapport quand même à l'occupation américaine, à la langue anglaise, etc. Et c'est ça qui gangrène. T'as les pauvres prolos qui sont ubérisés, les autres qui fantasment dès que ça vient des États-Unis. Et donc c'est plus cette aspiration de la société, mais qui contamine à la fois les riches et les pauvres, que Bong Joon-ho questionne. Il y a une très belle idée, je trouve, métaphorique autour de ça, qui est une espèce de blague aussi visuelle que porteuse de sens autour des cow-boys et des indiens. On ne peut pas trop raconter la scène sans spoiler, mais j'aime beaucoup cette image-là, cette imagerie-là qu'il développe. Très bien, merci messieurs. Je signale de nouveau que nous allons faire très vite une émission spéciale sur La Servante de Kim Ki-young, et on parlera aussi abondamment de Parasite, mais cette fois-ci, on spoilera comme des cochons. Voilà, on va enchaîner tout de suite avec Ad Astra, le film de James Gray. Major, we have some highly classified information. What can you tell us about the Lima Project? Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission. And the commander was? He was my father, sir. This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there. I worry about you. I love you. Alors que nous chantions ses louanges le mois dernier, Brad Pitt nous revient déjà dans Ad Astra de James Gray, un film qu'il a également produit avec sa société Plan B. Brad Pitt et James Gray, c'est une histoire ancienne. En effet, l'acteur a été très longtemps associé au projet Lost City of Z avant de s'estimer trop vieux pour le rôle de l'aventurier Percy Fawcett, qui échut donc à Charlie Hunnam, même si Brad Pitt resta à la production. Lost City of Z, c'était il y a 3 ans, et James Gray revient donc avec ce nouveau film, Ad Astra, le plus cher de toute sa carrière, qui compte, dans un futur proche, l'histoire de Roy McBride, c'est donc Brad Pitt, un astronaute dont le père héroïque s'est perdu dans une ambitieuse mission spatiale près de Neptune 16 ans auparavant. Alors que de mystérieuses tempêtes électromagnétiques frappent le système solaire, Roy est envoyé à la recherche de son père et du projet Lima, qui était destiné à la recherche d'une vie extraterrestre et qui pourrait être la source du mal. Le film est coécrit par James Gray et Ethan Ross de la série Fringe, qui était une espèce de coproduction avec J.J. Abrams. La photographie est de Hoyt van Hoytema, qui a travaillé avec Thomas Alfredson et Christopher Nolan. Et outre Brad Pitt, on retrouve au casting Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga ou encore Liv Tyler, qui a pris un sacré coup dans la gueule. Lucien, qu'as-tu pensé du film de ce cher James ? Ouais, déjà... J'ai l'impression qu'on va un peu tous dire la même chose du film et qu'on va juste se placer par rapport à ça. Mais je peux me tromper. Pour moi, il y a une forme d'introspection presque manichéenne à échelle macroscopique qui est troublante tout du long du film. Et en ce sens, le film se rapproche assez fortement de dernières propositions SF qu'on a eues au cinéma, que ce soit... Gravity, Interstellar, High Life ou First Man et autres, parce qu'il est question, avant d'explorer l'univers, de chercher à répondre à ses propres tourments. C'est pas pour rien si le film commence par une chute et se termine par un retour. Ce qui intéresse James Gray, c'est le trajet entre les deux, c'est le côté instructif du trajet. Mais c'est peut-être encore plus qu'à ces films-là, à Apocalypse Now, voire même à The Tree of Life, que le film se réfère, tant il tient d'une sorte de road movie stellaire qui n'aurait pour but que d'avancer, de se fondre dans l'abstraction pour re-rencontrer le père, l'image qu'il en reste, comme un double auquel ils vont finir toujours plus ou moins par ressembler, voire même à une forme de dieu, vénérer le dieu. Ou à une cité perdue, parce que, oui, de manière assez évidente, pour moi, le film forme une sorte de diptyque avec The Lost City of Z, comme une réinterprétation de la même histoire, mais du point de vue du fils, pour continuer l'éternelle réflexion de James Gray sur la transmission. C'est un film qui s'inscrit dans un corpus de films de SF qu'on a eu ces derniers temps, mais justement, pour reprendre peut-être une expression... Tu as le plus souvent cité que moi dans l'émission qui est de Jean-Baptiste Torré, c'est un film qui n'est pas vraiment un film à l'heure aussi. C'est un film qui arrive après les autres et qui, à mon avis, ne marque pas forcément toujours des points. C'est un film qui est, on en discutait tout à l'heure en intro, qui est... à dire profondément dépressif, qu'on sent bien porté par des préoccupations de James Gray, mais c'est aussi un film assez peu aimable vis-à-vis du spectateur, qui à la fois est un film qui moi je trouve une grande froideur, parce que tu as parlé de plein de choses du film et tu n'as jamais parlé de l'émotion qui suit, et je trouve que l'émotion elle est quand même très très en retrait. Je trouve que le parcours du personnage de Brad Pitt, ce voyage intérieur, en fait, il est assez peu incarné à mon sens. Le film est extrêmement verbeux. Il utilise, alors c'est un procédé de narration, je pense, pour le film est en grande partie narré en voix off. Et une des idées qui n'est pas inintéressante de James Gray, et justement d'essayer d'inscrire un petit peu cette voix off dans le cadre du récit avec les débriefs psychologiques qu'a Brad Pitt. Sauf que c'est assez littéral en fait ce que dit Brad Pitt. Le personnage parle de la rage qu'il a vis-à-vis de son père, de sa souffrance, et il le dit de manière extrêmement littérale. C'est un des reproches que j'avais déjà pour Love, City of Z, c'est que cette idée de se perdre, soit dans la jungle ou dans le cosmos, je ne le sens pas. C'est un film beaucoup trop retenu. Il n'y a pas cette idée de vraiment dériver avec quelque chose. Je trouve que le parcours est beaucoup trop tracé, beaucoup trop écrit. Je me dis, tiens, cette vision du futur-là, cette idée-là est assez inédite, mais elle me transporte pas. Mais c'est une idée qui reprend très souvent dans ces films. C'est l'idée d'entreprendre, et particulièrement ici dans Lost City of Z, c'est d'entreprendre le héros vraiment comme l'épicentre du récit. Un héros qui boufferait le cadre et qui n'utiliserait ici l'immensité, l'espace, que pour rappeler qu'ils ne sont en fait qu'une matière sur laquelle Gray va pouvoir creuser son héros, en fait, va pouvoir vraiment approfondir son personnage. Est-ce que c'est pas un peu son sujet, en fait, puisqu'il fait justement un film sur un personnage qui le dit lui-même, qui n'arrive pas à éprouver les émotions, qui d'ailleurs c'est assez littéral, son pouls ne dépasse jamais les 80, qui fait un film sur un personnage froid. Oui. Voilà, donc logiquement, est-ce qu'on doit ressentir des émotions pour ce personnage-là? Au moins, peut-être comprendre ce point de bascule qui fait qu'à la fin du film, il semble avoir entamé une autre phase dans sa vie. Et ce moment de bascule entre ce personnage-là qui est dans une souffrance, qui est ça, et ce personnage qui serait redécouvert à la fin, le point de bascule, moi, je ne vois pas où gré le film, à quel moment il existe dans le film. Je rejoins ce que tu dis. À part dans ce monologue final. Je comprends ce que tu dis, Manu, mais je c'est vrai que j'ai du mal aussi à voir ce point de bascule dont tu parles. Mais juste qu'il voit là où ça a mené le personnage qu'il va rencontrer à la fin, et que il a pas envie de suivre cette même voie-là, et que donc du coup il fait le trajet inverse, et donc il doit se satisfaire de ce qu'il a. C'est en ça que le film est quelque part profondément dépressif. C'est que le personnage essaye d'aller au fond du cosmos, et finalement je spoil un peu, mais ce qu'il en retire, c'est que c'est satisfais-toi de ce que tu as, quoi. Moi, je trouve ça terrible. Hein. À ce moment-là, pour le coup, très peu d'émotions dans le film. Je suis d'accord avec vous, à l'exception d'une unique scène, qui est une scène de dialogue avec son père, où il dit une phrase d'une violence absolue, où son père a passé 30 ans de sa vie à rechercher une vie extraterrestre, et qu'il dit mais je continuerai tant que j'ai pas de réponse. Et il lui répond, mais si tu as la réponse, on est tout seul. En fait, c'est ça, on n'a jamais que ce qu'on est. Moi, je trouve ça vraiment très beau, très touchant, et plus profond que ça n'y paraît. Pour essayer de compléter ce que tu vas dire, en fait, là, on spoil comme des porcs. Hein. c'est que le père, tu vois, Tommy Lee Jones, il est devenu, entre guillemets, quelque part ce qu'il cherchait, parce qu'il est complètement extraterrestre au sens littéral. Ah, c'est devenu une forme de Dieu. Parce qu'il n'a plus rien qui le rattache à l'humanité et à la Terre. Si, il peut la détruire, l'humanité. C'est pour ça, pour moi, il prend une forme de presque de Dieu. Il est là tout seul au-dessus de tout le monde. Non, parce que là, c'est une lecture que tu fais vis-à-vis du film, parce que le personnage de Tommy Lee Jones dit clairement que la chose est accidentelle. Il n'y a pas une volonté de la part de Tommy Lee Jones de détruire l'humanité. Ça, c'est pour le coup très circonstanciel. Moi, ce qui me dérange vis-à-vis de cette rencontre et ce personnage avec Tommy Lee Jones, c'est qu'il y a on en parle beaucoup. C'est un peu vous l'avez dit, le Kurtz du film. Il y a beaucoup d'attentes, et finalement ces attentes, l'attente qu'elle suscite, elle n'est pas vraiment traitée, etc. Je trouve la rencontre assez déceptive dans ce qui se dit, dans ce qui se passe vis-à-vis de tout l'avant du film, qui dure quand même une bonne heure quart, où on attend cette rencontre, et je trouve la rencontre vraiment déceptive. Et en fait, je suis ravi de t'entendre parler de profondeur, Lucien, mais moi je trouve que, et pourtant j'aime beaucoup le cinéaste, je trouve qu'il redit de manière un peu répétitive et un peu moins profonde ce qu'il a déjà dit dans certains films. Alors oui, c'est quelque chose qu'on va toujours reprocher à ce type de cinéaste. Déjà, c'est un cinéaste chez qui le traitement du sujet, le discours prend énormément de place et peut-être se place au-dessus du film lui-même, ce qui peut déranger plein de gens, je le comprends. On peut voir ça comme une forme de lourdeur. Moi je trouve ça fascinant. Et c'est vrai qu'on pourrait tout à fait dire, j'entends quand on le dit, que ce qui ne peut absolument pas se soustraire à son sujet, voire à l'efficacité de son propre film. Mais moi, je préfère y voir la marque d'un très grand auteur. Oui, mais moi, je pense que justement, dans ses précédents films, je me fais une exception pour Lost City of Z, que je rapprocherai d'Ad Astra. Je pense que entre guillemets, son discours d'auteur ne phagocytait pas tout. Et il faisait exister de vrais personnages. Il y avait vraiment une galerie de personnages. Il y avait des émotions qui se dégageaient de ces relations entre ces personnages. Où là, tout le parcours du personnage est verbalisé, y compris dans cette séquence de fin où carrément il s'adresse à toi et avec une sorte de happy end. Tu pourrais presque croire à un happy end un peu ajouté. Quoi. Un peu forcé, moi. J'ai l'impression. Pas très incarné en termes de narration. Je trouve que c'est assez faible. Ça m'a fait penser en fait à cette scène qui a été rajoutée à la fin de The Yard avec la scène de Mark Wahlberg. Je serais pas étonné que le film ressorte un jour sans cette scène-là. On verra, mais ça m'étonnerait. Le problème, c'est que si elle sort sans cette scène-là, le film ne fait plus aucun parcours vis-à-vis de son personnage. Le souci, à mon sens, du film, c'est qu'en fait, sans cette séquence-là, tu n'as pas vraiment le parcours de Brad Pitt. Bah, vous avez un peu tout dit. Moi, je suis globalement d'accord avec vous qui n'êtes pas d'accord. Je suis très partagé sur le film aussi. Après, Manu, tu sembles dire que vraiment le film est très froid, qu'il t'a laissé constamment à l'écart. J'ai quand même été embarqué dans le film. J'ai quand même été embarqué avec ce personnage-là. Je trouve qu'il y a c'est marrant parce que c'est le film le plus cher de Grey et c'est aussi son plus introspectif. C'est pour ça qu'il va prendre plein de gens à contre-poil. Hein. Et je trouve qu'il y a une forme de ce dépouillement dans les décors. J'ai été assez séduit en fait par le look du film en fait. Tout ce qui se passe sur la Lune, ce qui se passe sur Mars, il y a une espèce de solitude comme ça spatiale qui est presque un peu tarkovskienne pour le coup. Tout ce qui se passe sur Mars, c'est assez beau. L'idée de cette chambre de décompression où tu vois des pétales qui sont projetés sur les murs, je trouve que c'est une belle idée. Par rapport à ça, je rebondis juste là-dessus, mais il se permet des choses. Moi, ça rebondit aussi un peu sur ce que disait Manu plus tôt, mais la manière dont il entreprend certaines scènes d'action de manière à vraiment les déplacer sur son terrain propre, c'est super intéressant. C'est vraiment, il arrive à en faire quelque chose. Il les déplace vraiment là où il pourra en faire ce qu'il veut, en mettant, encore une fois, c'est très théorique, mais l'idée de la scène en avant plutôt que son efficacité première. Et du coup, il fait comme avec certaines scènes, je pense la course-poursuite sur la Lune ou bien la traversée des roches spatiales autour de Neptune film, avec des espèces de boucliers. Comme il avait pu le faire avec la scène des piranhas au début de Z ou la course-poursuite dans We Own the Night. C'est-à-dire offrir des séquences un peu jamais vues, mais toujours un peu en creux. Presque mine de rien, et pas totalement spectaculaire. Moi je trouve ça passionnant. Je suis pas d'accord avec toi quand tu parles justement qui privilégiait l'idée à l'efficacité de la scène. C'est peut-être le cas dans la scène de qui se passe sur la Lune, mais dans La Nuit vous appartient, c'était toute cette idée de mise en scène de point de vue du personnage qui faisait que sans en faire quelque chose de spectaculaire, la scène était extrêmement spectaculaire. Et donc en tant que spectateur, tu avais une vraie récompense vis-à-vis de ça. Et en plus, tu avais quelque chose d'inédit dans le cinéma de James Gray parce qu'il s'attaquait un petit peu à son échelle, à des scènes d'action avec un point de vue qui s'insérait dedans et c'était extrêmement satisfaisant. Où là, tout d'un coup, je vois quelque chose de beaucoup plus théorique et beaucoup moins fort et beaucoup moins réjouissant en tant que spectateur. Mais la scène dans La Nuit nous appartient est plus rythmée de manière plus classique, je veux dire. Oui, et puis tu es impliqué émotionnellement dans La Nuit nous appartient, ce que tu n'es pas assez ici. Vous en avez bien parlé, vous résumez assez bien les sentiments contradictoires que j'ai vis-à-vis de ce film. Pour moi, c'est vraiment un film jumeau de Au cœur des ténèbres ou un film jumeau de Apocalypse Now. C'est t'as vraiment un parcours qui fait que plus le personnage avance et plus c'est la barbarie qui reprend ses droits. Il y a une espèce de retour en arrière en fait, primitif même, avec une scène de sauvetage, une scène qui ferait écho à la scène d'Apocalypse Now avec le sauvetage du chiot dont on parlait la fois dernière, qui est aussi qui le confronte à des espèces de peurs primitives, primales comme ça. Et je trouve que c'est assez intéressant. C'est intéressant, mais c'est aussi un petit peu écrasant cette ombre du film de Coppola. Parce que justement dans cet aspect déceptif de la fin qu'il y a dans Apocalypse Now, qu'il y a dans Ad Astra, ben la force du film de Coppola, c'est quand même à un moment il savait traduire visuellement et de manière symbolique à l'image ce parcours du personnage, ce que à mon avis échoue à faire avec James Gray et dont sa scène finale est un peu un aveu d'échec à mon sens sur ça. Moi le problème que j'ai, et ça va rebondir, ça va rejoindre un peu les deux choses que vous disiez, c'est par rapport la voix off qui fait très ouvertement référence à Apocalypse Now pour le coup, elle est assez étrange, parfois même troublante et surtout parfois un peu confuse. Si on pourrait croire qu'elle souligne les intentions de mise en scène, je trouve que c'est pas toujours le cas. Par contre, elle raconte surtout parce que le protagoniste qui est toujours seul ou presque est incapable de dire tout haut en tout cas. Et elle donne à elle seule une raison à la présence du personnage de Eve, qui est un personnage qu'on peut imaginer originel, mais qui au final ne représente qu'une idée très théorique. D'un amour perdu au profit de l'exploration de toute une vie. Et c'est là que, pour moi, jamais l'alchimie entre le personnage de Brad Pitt et le personnage de Liv Tyler, donc McBride et Eve, n'est aussi bouleversante que dans Lost City. Son personnage était réellement traité dans Love City OZ, mais malgré les réserves que j'ai dessus, c'était un personnage qui existait, qui n'était pas juste là, dans les flashbacks, pour incarner une idée. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Enfin, si, par rapport au personnage de Eve qui est moins écrit que le personnage de la femme du personnage principal. Mais ici, principal, c'est vraiment juste un symbole. Hein. C'est clair, on est juste dans le symbole. On est d'accord là-dessus. Et si le film peut être moins émouvant qu'il ne pourrait l'être, c'est que le drame, à l'exception d'une scène dont je parlais plus tôt, n'est pour le coup vraiment que intérieur et les relations humaines déchirées ne se passent que à l'intérieur, que dans l'introspection du personnage de Brad Pitt. Jamais la relation n'est palpable à l'écran parce qu'il n'y a jamais vraiment d'interaction, ce n'est que à travers le prisme de Brad Pitt. Ça enlève un peu du côté lyrique qu'il pourrait y avoir. Ceci dit, comme tu parles d'intériorité et que j'ai dit pas mal de négatifs, il y a aussi au niveau du jeu une scène que je trouve vraiment très très belle et très touchante qui est justement ce compte-rendu de Brad Pitt où il finit par, enfin c'est pas le compte-rendu mais où il finit par s'adresser à son père à lâcher le contrôle, et c'est justement ça qui est beau, c'est que pour une fois il me semble il dépasse, enfin je veux dire l'émotion le submerge et donc il sort de cette intériorité pour donner quelque chose à lui, au spectateur. Et puis le jeu de Brad Pitt très sobre et en même temps très chargé, c'est assez beau à voir. Le problème c'est que ces trois moments d'émotion qui sont la conversation téléphonique avec Liv Tyler, qui sont ce moment du débrief après l'attaque par le singe et le message au père, il utilise trois fois le même type d'écriture pour délivrer ce moment d'émotion, et c'est qu'à un moment je trouve que ça défausse un petit peu, ça rend un peu artificiel à mon sens le dernier qui devrait être le plus émouvant, le message au père. Je pense que ça aurait été peut-être plus efficace si ça avait été circoncis à cette séquence-là du film, ce type d'écriture. Plus que artificiel comme tu dirais, moi je dirais brut, parce que c'est peut-être le film le plus évident de Gray, dans le sens, pas dans son approche formelle mais dans son propos. Mais c'est aussi parce qu'il est, comme souvent en SF d'ailleurs, extrêmement épuré. Il n'y a rien d'autre que ça à l'écran. Et donc, j'y vois plus quelque chose de brut de décoffrage que d'artificiel. Et puis, il y a un truc, moi, qui me touche chez Gray, comme chez De Palma d'ailleurs, c'est cette espèce de mélancolie de venir après des films extrêmement référencés et toujours un peu tristes de ne pas être au niveau de leur maître. À la différence que chez Gray n'a pas la vanité de Palma, et donc il va peut-être un peu moins loin dans l'explosion de ces codes-là. Mais je trouve toujours ça presque touchant de voir un cinéaste être conscient qu'il ne vient qu'après de très grands noms. Merci messieurs. Eh bien, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec « Trois jours et une vie », le film de Nicolas Boukrieff. Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout, nous devons nous assurer que l'enfant ne s'est pas perdu. Je vous demande la plus vive attention lors de votre avancée. Bon courage à tous. Trois jours et une vie, c'est donc un film de Nicolas Boukrieff. Nicolas Boukrieff, c'est un ancien rédacteur de Starfix, qui est devenu scénariste et réalisateur sur Va mourir en 1995. Il a été aussi co-scénariste d'Assassin de Mathieu Kassovitz en 1997. Et depuis, il est auteur de films plutôt remarqués tels que Le Convoyeur en 2003 ou Cortex en 2008. Le réalisateur appartient à une génération, avec Christophe Gans notamment, qui a essayé de redynamiser le cinéma français au début des années 90 en le faisant renouer avec un cinéma de genre au premier degré et respectueux des codes. Et particulièrement pour Nicolas Boukrieff, disons le polar façon hard-boiled. Ici, c'est une adaptation d'un roman de Pierre Lemaître, l'auteur d'Au revoir là-haut, que l'auteur lui-même, donc Lemaître, adapte avec la scénariste Perrine Margen. Le film se déroule entièrement dans un petit village des Ardennes belges qui existe. D'ailleurs, je crois que le tonton de Julien y habite. Et ce film commence à Noël 1999. Antoine, un garçon de 12 ans, vit seul avec sa maman, qui s'appelle Blanche, qui est interprétée par Sandrine Bonnaire. Et alors qu'il est victime d'un chagrin d'amour, il se défoule dans les bois et il va se retrouver mêlé à la disparition d'un enfant, j'en dis pas plus. Le film raconte comment ce secret va bouleverser sa vie ainsi que celle de son entourage. Trois jours et une vie, c'est une coproduction belge. Le film est photographié par le belge Manu Dacos et compte à son casting Pablo Poli, Charles Berling, Sandrine Bonnaire, Philippe Torreton, le jeune Jérémy Sénez ou encore Margot Bansilon, ainsi que plusieurs figures connues du cinéma belge comme Luc van Grunderbeek ou l'abonné au Polar Ardennais, Johan Blanc. C'est Manu qui va commencer sur le film de Nicolas Boukrieff. Qu'en as-tu pensé, mon cher Manu ? Déjà, je pense qu'il faut peut-être prévenir les spectateurs sur ce qu'est réellement le film, parce que le film est beaucoup vendu sur un aspect de murder mystery, sur qui est le coupable, avec même des plans dans la bande-annonce qui n'existent pas clairement dans le film. Et je trouve l'aspect intéressant du film est justement que Boukrieff évacue assez vite cette question de qui est le coupable pour en donner l'identité. Comment ce personnage va grandir et vivre avec ce secret-là. C'est pas un film sur réellement un criminel, plus sur un coupable, sur quelqu'un qui vit avec un secret. Et voilà, donc après, la mise en scène de Boukrieff, elle est un peu à contre-courant de ce qu'on voit dans le genre actuellement. Elle a un rythme plus lent. C'est un peu un cinéma à combustion lente, donc qui ne joue pas ses cartes d'entrée. Bah ouais, c'est intéressant ce que tu dis en parlant de cinéma à combustion lente. Parce que c'est peut-être ça qui permet aussi aux spectateurs de jamais vraiment s'ennuyer, alors qu'à certains moments, il pourrait y avoir moyen. Parce qu'à chaque fois, il se passe un petit quelque chose qu'il aurait pu abattre toutes ses cartes dès le début, et en fait, non, il en a gardé tout du long. Après, je trouve que, pour parler des défauts du film, pour moi, il y a une forme littéraire qui est beaucoup trop présente, particulièrement dans les dialogues, qui sont très difficiles à avoir en bouche. Peut-être que Julien parlera par la suite, les dialogues qui sont écrits par le maître. Du coup, j'ai trouvé pas mal d'acteurs à la ramasse, à l'exception de quelques-uns peut-être. Ceci dit, à l'instar de son affiche, que je trouvais intéressante visuellement, le film est truffé de belles idées, de beaux moments de cinéma. Je pense entre autres à une scène de tempête dont on ne sait jamais vraiment s'il s'agit d'un cauchemar ou au contraire de la réalité qui prend vraiment le dessus sur tout. C'est pour moi le tour de force du film et qui peut parfois faire regretter qu'il ne se plonge pas plus dans cette proposition-là. Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis, Lucien, notamment sur le fait que le spectateur ne s'ennuie pas. Évidemment, tu as parlé des belles idées de mise en scène comme la tempête, je plus sois. Et puis, je distinguerai le dialogue du scénario où justement, j'ai l'impression que la bonne tenue du film, il tient parce que le scénario est assez béton, parce que l'histoire est vraiment implantée et dans la façon dont voilà, il joue. Et tu parlais de combustion lente, Manu, comment il l'ondoie aussi, comment la culpabilité des secrets des gens rejaillit sur les autres. Mais par contre, en dehors de la bonne tenue du scénario, effectivement, il y a les dialogues qui sont un peu rêches, un peu artificiels. Et les comédiens, enfin voilà, je crois qu'on est assez unanime pour dire qu'il y a un problème de caste. Enfin, peut-être que je devrais parler en mon nom. Enfin, je trouve qu'il y a un problème de caste. Moi, je suis d'accord avec toi. Voir Charles Berling et Sandrine Bonnaire dans les Ardennes, ça fait un peu mal. Et je trouve qu'il y a des bonnes idées de mise en scène qui sont annihilées par le jeu, notamment cette façon dont il interrompt la messe. Je trouve que voilà comment le travelling s'écarte de lui, de Charles Berling, je parle, il s'écarte de lui, etc. C'est assez beau, mais le jeu me sort complètement du truc. Et en fait, dans les dialogues, ce qui se passe, c'est que on entend les mots, on entend la rythmique, et du coup, ça sonne creux, ça manque de vie. Elle est terrible cette scène parce qu'elle devrait être bouleversante, et en fait, Berling est tellement aux fraises qu'elle ne l'est pas, quoi. Elle devrait être un point d'orgue du film. Elle est vraiment drivée par une belle idée à l'image qui résonne avec ce qui doit se passer au niveau du personnage. Et c'est vrai que quand le personnage interrompt littéralement la messe, on se retrouve face quand même à Berling, qui est pour moi un acteur assez limité. Et en plus, il est pour moi très connoté d'un cinéma un peu bourgeois, français, et en ouvrier un peu alcoolique ardenné. Il y a quelque chose que j'arrive pas à ajuster entre les deux, quoi. Et ses premières scènes, dans ce sens-là, sont aussi difficiles. Je veux dire, dès qu'on le voit en ouvrier, ça fait un peu mal au cœur. Et dès qu'on le voit, enfin, il y a un événement avec un chien. Je veux dire, c'est assez difficile de d'y croire. Oui, ben je vais vraiment vous rejoindre sur l'ensemble. Même si, voilà, je trouve quand même que c'est un film qui se laisse voir avec beaucoup de plaisir, justement parce que son scénario abat assez bien les cartes au bon moment et qui va maintenir l'intérêt du spectateur. Après, il y a des scènes qui sont franchement réussies. On a dit la tempête, il y a des choses qui sont, enfin, régulièrement, en fait, il y a des scènes qui réveillent l'intérêt purement cinématographique du film. Après le casting, oui, bah, je suis aussi d'accord avec vous, c'est aussi un problème. Je dirais que c'est principalement au niveau du casting masculin. J'ai beaucoup moins de réserves sur Sandrine Bonnaire. Sandrine Bonnaire, ça va, mais c'est vrai qu'elle trimballe avec elle tellement cette image du cinéma bourgeois français que c'est vrai que quand tu la vois en femme seule qui habite dans les Ardennes, c'est un petit peu dur. Après, elle, je veux dire, ses dialogues coulent un peu plus facilement que ceux de Berling. Parce qu'il veut, il veut faire référence à Chabrol, moi, je crois. Hein. Sans doute, tu as peut-être raison. Après, je trouve que donc c'est Pablo Poli qui s'appelle le personnage principal. Je trouve aussi qu'il est un peu à côté, mais en même temps, le choix de casting me semble assez pertinent parce que comme tu dois avoir vraiment un rapport assez distancié par rapport à ce personnage principal, je trouve que justement de l'avoir pris pas très charismatique comme ça, c'est une vraie tête de loser. Ouais. Je trouve qu'il y a de l'idée dans ce choix de casting. Et je trouve que c'est la Margot Bassillon, je crois qu'elle s'appelle, qui joue la jeune fille Emily, la jeune voisine adulte. Elle, je la trouve vraiment excellente. Et je trouve que dès qu'elle est à l'écran, elle redonne de l'intérêt aux scènes. En tout cas, elle vole la vedette dans les scènes qu'elle a. Après, je dirais que... Oui, en effet, il y a des belles scènes, mais au début, c'est un petit peu dur quand même. On sent que... Boukrieff, en fait, il a du mal à... On le sent devoir cocher des cases, de montrer le village, présenter tous les personnages. C'est un peu appuyé. On sent qu'il a du mal au démarrage. Après, c'est payant parce que je trouve que le village et on va dire que l'ambiance un peu où on connaît tous les personnages, ça joue du film. C'est un personnage même du film, le village et le fait qu'il y ait tous ces personnages. Mais après, il a du mal à l'exposer, quoi. Oui, l'exposition... apparaît un peu laborieuse, je pense, parce que aussi il joue aussi clairement le fait qu'on n'est pas dans un film de genre, on va la jouer du côté du cinéma américain. Il ancre vraiment très très fortement les bases vraiment franchouillardes du film et il les assume. Et c'est vrai que il y a un temps d'adaptation, je pense, dans le début du film qui est un peu difficile. Après, moi, je trouve intéressant la démarche du film de te placer de ce point de vue de ce personnage-là, ce qui est assez inédit dans ce genre de récit-là. De questionner ta moralité et la moralité de ce personnage-là et l'affect que tu peux avoir vis-à-vis de lui et fur et à mesure de voir que d'autres personnages ont aussi de lourds passés et que c'est assez intéressant de la manière dont ils travaillent ça. Je trouve qu'il y a notamment une assez belle scène où la mise en scène pour le coup de Boukrieff est beaucoup moins... se veut un peu plus lyrique. Il y a la scène d'adieu entre le personnage de, oui, c'est de une très belle scène, très bien Sandrine Bonnaire et d'un autre personnage dont je ne dévoilerai pas l'identité, qui est une très belle scène en plus où il est derrière, on a quand même un autobus de la tech, ce qui n'est pas le truc le plus glamour, et il arrive avec cette image-là à te faire une imagerie qui évoque le mélodrame hollywoodien et qui est très belle. Juste pour finir là-dessus, je dirais aussi que moi je trouve que la dernière scène, enfin la scène de fin du film est très bien gérée et aussi tous les enjeux sont vraiment bien résumés et sur la mise en scène la mise en scène est assez... on va dire classique et discrète, mais ça marche vraiment bien, ça incarne vraiment bien le dilemme qui est au cœur du personnage, je trouve. Et avec une vraie ambition narrative suffisamment intéressante pour être louée et amenée à voir le film. Oui, tout à fait. Très bien, on va passer au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Eh bien, on passe tout de suite au conseil, et c'est moi qui vais commencer. Donc, nous avons parlé aujourd'hui de 3 jours et une vie où il y avait Sandrine Bonner, et on a aussi parlé de Parasite de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho qui, comme tu l'as dit Lucien, à la dernière cérémonie du Festival de Cannes, a remercié Chabrol et Clouseau. Donc du coup, je vais faire un bon conseil dans la catégorie film sur la lutte des classes. Vous pourrez regarder le très bon La cérémonie de Claude Chabrol avec Sandrine Bonner qui date de 1995, ou alors revoir l'excellent Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouseau de 1955, qui est aussi assez cinglant sur les conflits de classe. Il est Monsieur fort. Manuelas. Eh bien, moi, je vais vous conseiller un livre qui est à l'image de transmission. C'est les mémoires de Jean-Pierre Dionnet. Mémoires, avec un petit jeu de mots, puisque ce ne sont pas les mémoires comme on s'y attend, mais les mémoires, les divinités grecques. Et donc, voilà, c'est un livre passionnant, puisque ça revient sur toute la carrière de Jean-Pierre Dionnet. On en parlait en off avec Lucien. C'est vraiment, je pourrais dire, un trésor national français. Un des meilleurs ambassadeurs de la culture, de la pop culture qu'il y a eu, qui a toujours eu à cœur de défendre les films qui étaient sans défense dans l'espace du champ critique. Quelqu'un qui n'a eu de cesse de toujours établir des ponts entre les différentes cinématographies. Moi, je sais que, par exemple, typiquement, j'ai découvert Sympathy for Mr. Vengeance dans les pages du Mange Livre, qui était une rubrique qu'il animait quand le Métal Hurlant était exhumé au début des années 2000. Et justement, il faisait parallèle entre le cinéma de Park Chan-wook et le cinéma d'Aldrich. C'est toujours quelqu'un qui a refusé de cloisonner les genres, les types de cinématographie, d'art. C'est un livre extrêmement touchant et indispensable. Et il animait aussi une excellente rubrique à Canal+, dans les années 90, qui s'appelait le cinéma de quartier, grâce à laquelle j'ai découvert Danger diabolique, La planète des vampires, ou Cher pour Frankenstein, ou Wicker Man, enfin bon. Des tas de trucs. Julien. Oui, écoute, je pourrais te conseiller d'aller regarder Les Montres religieuses avec James Gray, mais je vais plutôt conseiller à la Cinémathèque bruxelloise, pour les Bruxellois ou les environs. Il y a une rétrospective de Yasuhiro Ozu, justement, continue notre focus asiatique, qui se déroule jusqu'en novembre, jusqu'au 17 ou 19 novembre, je crois. Et voilà, c'est l'occasion de revoir des films comme Voyage à Tokyo ou Le goût du saké. Merci. Lucien. Moi, je vais vous parler d'une série. Une série dont on a beaucoup parlé. Et pour une fois, je me suis laissé attraper par la hype. Et j'ai plutôt bien fait. Il s'agit de Tchernobyl, qui est une série dont je suis sorti plus instruit qu'à mon entrée dans cet univers-là. Qui prend des libertés mesurées avec la réalité pour maximiser sa narration, qui est une mise en scène assez classique, mais qui se base sur une écriture très construite. J'ai trouvé ça assez brillant dans sa manière d'offrir un retour sur l'histoire relativement précis et haletant. Et ça traite assez largement de la catastrophe de Tchernobyl, fatalement, en proposant, entre autres, je trouve, une lecture très singulière et très intéressante sur une forme d'héroïsme peut-être typique à l'URSS de l'époque, une sorte d'héroïsme non spectaculaire, presque naturel, plus naturel que sacrificiel, dirons-nous. Merci messieurs pour cette belle émission. On se retrouvera mi-octobre avec une autre émission au programme encore un petit peu plus chargé, puisqu'on parlera notamment du tant attendu Joker de Todd Phillips, le réalisateur de Starsky Hutch. On vous remercie et à tout bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.